إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a terminé la semaine dernière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude du premier fondement sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu différentes questions liées à notre Créateur, à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, la question la plus importante qui est le fait qu'il est le seul à mériter qu'on l'adore. Et le Cheikh rahimahullahu ta'ala avait mentionné à titre d'exemple certaines adorations qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Et on a vu certaines questions au sujet de ces adorations. Et je voulais simplement préciser que ce que l'on a vu n'était qu'un résumé et que nous ne sommes pas rentrés dans les détails. Et que tous les détails concernant ces adorations, nous les étudierons, incha'Allah ta'ala, si Allah nous le permet, lorsque nous étudierons, incha'Allah ta'ala, le livre de l'unicité, après avoir étudié quelques épîtres, après les trois fondements, incha'Allah ta'ala. Donc nous allons passer aujourd'hui, incha'Allah, à l'étude du deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-aslu thani, ma'rifatu dini l'islami bil-adillah » Le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ce qui est voulu ici par la religion de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, comme on va le voir à travers la définition. Le mot din en arabe, il peut désigner différentes choses. Il désigne notamment la religion, mais il peut également désigner la rétribution, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yawmiddin, maître au jour de la rétribution, c'est-à-dire au jour des comptes, lorsque les serviteurs devront rendre compte de leurs œuvres. Et il a dit, rahimahullah, bil adillah, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Car comme on l'a dit, la religion de l'islam, elle ne s'apprend pas par suivi aveugle. Elle ne s'apprend pas non plus avec des inventions qui sortent de la tête de l'homme. Mais la religion de l'islam, elle est basée sur les preuves du Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur les preuves de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'homme qui ne connaît pas sa religion, qui ne l'apprend pas selon les preuves, mais qui ne fait qu'imiter les gens aveuglément, alors celui-ci en réalité, il ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas sa religion et on craint pour lui que lorsqu'il sera questionné dans sa tombe au sujet de celle-ci, qu'il réponde alors « Ha ha, je ne sais pas, j'ai écouté les gens dire des choses et je les ai répétées. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il est donc obligatoire pour le musulman, homme et femme, d'apprendre cette religion en se basant sur les preuves. Les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les preuves de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a déjà dit auparavant, ceci ne peut être atteint que par l'apprentissage de la science religieuse. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donné la définition de l'islam. Et il a dit « Huwa l'istislamu lillahi bittawhid, wal inqiyadu lahu bitta'a, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. » Il a dit l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, par l'unicité. La sujétion à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc la première partie de cette définition, c'est al-istislam lillahi bitawhid, le fait de se soumettre à Allah par l'unicité. Et on a vu le tawhid, l'unicité, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui voues l'ensemble de tes adorations à lui seul, en dehors de tout autre que lui. Ceci est le sens du tawhid. Donc quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et ne lui donne aucun associé, il s'est alors soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Ensuite, la deuxième partie de cette définition, c'est al-inqiyadu lahu bit-ta'a, la sujétion à lui par son obéissance. Sujétion, c'est un synonyme de soumission. Donc, de te soumettre aussi à lui par quoi? Par son obéissance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne une chose, tu l'accomplis. Lorsqu'il t'interdit une chose, tu la délaisses. Et ceci est la définition de l'obéissance. Tu accomplis tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et tu t'écartes et tu t'éloignes de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit et ce par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la définition de l'islam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. On a déjà parlé du désaveu lors de l'étude de l'introduction de ce livre. Et on a vu que le désaveu, cela consiste à s'éloigner du polythéisme, mais aussi à s'éloigner des adeptes du polythéisme. Et que tu crois en la fausseté de leur polythéisme, en la fausseté de leur religion, en la fausseté de leur doctrine, et que tu t'écartes d'eux. Et que tu crois qu'il est obligatoire d'avoir de l'animosité envers les polythéistes, car ils sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne les prends pas pour alliés. Et comment pourrais-tu prendre pour alliés des gens qui sont ennemis de ta religion, qui détestent ta religion, qui détestent ton Seigneur et qui détestent ton messager sallallahu alayhi wa sallam? Il ne suffit donc pas pour le musulman de se soumettre à Allah, de lui vouer un culte exclusif, de lui obéir sans se désavouer du polythéisme et sans se désavouer des adeptes du polythéisme. Ceci n'est pas suffisant. Tu ne peux pas être musulman tant que tu ne te pars pas de ces quatre caractéristiques. La première, c'est que tu te soumettes à Allah par le tawhid, en lui vouant un culte exclusif. La deuxième, c'est que tu te soumettes à lui par son obéissance, en obéissant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les accomplissant et en délaissant et t'écartant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. La troisième caractéristique, c'est que tu te désavoues de ce qui s'oppose à ce tawhid. Et la plus grande chose de laquelle tu dois te désavouer à ce sujet, c'est le shirk, le polythéisme. Et la quatrième caractéristique, c'est que tu te désavoues des adeptes du polythéisme. Donc, celui qui concrétise ces quatre choses en lui, celui-ci est musulman. Et celui en qui il manque une de ces choses, alors il n'est pas musulman. Mais il ne peut être musulman qu'en concrétisant ces quatre points, bi'idnillahi ta'ala. Et c'est par ces trois choses donc que le Cheikh rahimahullah ta'ala a résumé la définition de l'islam. Ceci est donc la définition qu'il convient à tout musulman de connaître afin de pouvoir la mettre en pratique et de pouvoir la concrétiser. Et combien de personnes ne connaissent pas la définition de l'islam? Parce qu'ils n'ont pas appris cette chose. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas donné d'importance à l'étude de la science religieuse. Si tu demandes à beaucoup d'entre eux, que veut dire l'islam? Quelle est la définition de l'islam? Il ne saura pas te répondre, car il n'a pas étudié ces choses et il est resté ignorant à ce sujet. C'est pour cela qu'il est important pour nous de sans cesse apprendre, s'instruire au sujet de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de l'adorer avec clairvoyance. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il va nous exposer les degrés de cette religion. Et il a dit, rahimahullah, « Wa huwa thalathu maratib, al-islam wal-iman wal-ihsan. » Il a dit l'islam, la religion, elle comporte trois degrés. Le premier degré est l'islam. Ensuite vient après lui l'iman, qui est la foi. Et vient après lui l'ihsan, qui est la bienfaisance. Et on va étudier ces trois degrés, incha'Allah ta'ala, à travers ce fondement, en commençant par l'islam et ses piliers. Il a dit donc, et chacun de ces degrés a des piliers. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous exposer ces piliers en détail avec les preuves tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va tout d'abord commencer par nous exposer l'islam et les piliers de l'islam. Ensuite, il va nous exposer la foi et les piliers de la foi. Et il va nous exposer l'ihsan, la bienfaisance, avec le pilier de la bienfaisance, en nous détaillant à chaque fois les preuves de chacun de ces piliers tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, à la fin de ce fondement, il va venir avec une preuve générale qui nous prouve l'ensemble de ce qu'il a mentionné du début à la fin dans ce fondement. c'est-à-dire les trois degrés de la religion, et également chacun de leurs piliers. Et cette preuve, c'est le hadith rapporté par Omar, plus connu sous le nom de hadith Jibril, alayhi salam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Il dit donc, et les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les cinq piliers de l'islam qui sont venus dans le hadith de Jibril, alayhi salam, que l'on va voir à la fin de ce fondement, incha'Allah ta'ala, mais aussi dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit « Bunya l'islam ala khams ». L'islam est fondé sur cinq. Et il a mentionné ces cinq piliers que l'auteur, rahimahullah, a mentionné. Ces cinq piliers, ils ne représentent donc pas l'ensemble de l'islam, mais ce sont les piliers, ce sont ses fondements, ce sont les choses sur lesquelles tu vas bâtir l'ensemble de l'islam. Toutes les autres législations, en dehors des cinq piliers de l'islam, elles viennent pour compléter ces cinq piliers sur lesquels repose l'islam de tout musulman. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il va commencer donc à exposer les preuves de ces piliers. Il a commencé un à un, en commençant par les deux attestations. Il a dit « فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » Et la preuve concernant l'attestation, c'est-à-dire l'attestation « La ilaha illallah », l'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de Dieu en droit d'être adoré à part lui, le mainteneur de la justice. Point de Dieu en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Lorsqu'Allah atteste d'une chose, cela veut dire qu'il décrète cette chose, qu'il juge de cette chose, qu'il l'enseigne, qu'il la clarifie et qu'il l'impose à ses serviteurs. Allah a donc jugé, a décrété, a enseigné, a clarifié et a imposé à ses serviteurs quoi ? Qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré que lui, subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors son adoration est vaine. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a joint à son attestation deux catégories. La première, c'est les anges. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « wal malaika » et les anges. C'est-à-dire que les anges aussi attestent qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Pourquoi ? Pour qu'ils l'adorent subhanahu wa ta'ala. Ils sont soumis à Allah et ne lui désobéissent jamais. Donc, leur attestation est une attestation véridique. Car les anges, ils font partie des meilleurs des créatures. La deuxième catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala adjoint son attestation, ce sont les gens de science. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « wa ulul ilm » et ceux qui possèdent la science. Les gens de science parmi les hommes. Et ceux-là, ils n'attestent que de la vérité. Contrairement aux ignorants, desquels l'attestation n'est pas prise en considération. Mais les gens de science, s'ils attestent d'une chose, ils attestent seulement de la vérité. Et ceci nous montre la noblesse des gens de science. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a joint leur attestation à son attestation à lui, subhanahu wa ta'ala, et à l'attestation des anges. Ceci nous montre donc le rang éminent des gens de science. Ceci nous montre leur noblesse, et ceci nous montre leur mérite. Et qu'est-ce qui est visé par les gens de science ici ? Est-ce que ce sont les docteurs, les ingénieurs, ou autres parmi ceux qui ont obtenu des sciences modernes ? La réponse est non. Mais ce qui est visé ici, ce sont les gens de la science religieuse. Ceux qui possèdent la science religieuse, la science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la science de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle de science en islam, on parle de la science religieuse. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous a expliqué le sens de cette attestation. Et il a dit « wa ma'naha la ma'bouda bi haqqin illa Allah » et son sens est nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Ceci est le sens de la ilaha illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Lorsque tu dis la ilaha, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh il dit, rahimahullah, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadati kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki. Ensuite, lorsque tu dis illallah, sauf Allah, tu affirmes l'unicité d'Allah, unique et sans associé dans son adoration, de la même manière qu'il n'a pas d'associé dans sa royauté. Donc comme on l'a vu, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, celui qui a créé et qui possède l'univers, ceci nous démontre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Donc le shir rahimahullah ta'ala ici, il insiste sur ce point. De la même manière qu'il n'a pas d'associé dans sa royauté et que tout ce qu'il y a dans cet univers est en sa possession, subhanahu wa ta'ala. Donc également, il n'a pas d'associé dans l'adoration. Donc ceci sont les deux piliers de la ilaha illallah. La négation et l'affirmation. C'est-à-dire que tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit et mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le sens de cette parole. Non pas comme le disent certaines personnes qui disent le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Ou il n'y a personne qui accorde la subsistance en dehors d'Allah. Ceci est seulement le tawhid al-rububiyya. C'est seulement l'unicité dans la seigneurie, celle que reconnaissaient les polythéistes de Quraysh, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et pourtant, il refusait de dire la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat As-Saffat, au verset 35 et 36, « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. » ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur disait La ilaha illallah, ils s'enorgueillissaient et ils disaient Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Ceci nous prouve que le sens de cette attestation, cela ne peut pas être Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, il n'y a personne qui donne la subsistance en dehors d'Allah. Car eux, ils reconnaissaient cela et ils ont refusé de dire cette parole. Et ils se sont enorgueillis. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons-nous abandonner nos divinités? Donc le fait qu'ils aient refusé de prononcer cette parole, cela nous prouve bel et bien que son sens est « Nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. » Et il est indispensable pour le musulman qui prononce cette attestation de réunir entre cette négation et cette affirmation. Comme on l'a dit, elle est basée sur deux piliers. La négation et l'affirmation. Et il ne suffit pas de dire par exemple « Allahu ilah » « Allah est celui qu'on adore ». Ceci n'est pas suffisant. Mais tu dois renier l'adoration de tout autre que lui. C'est pour cela que l'on dit « La ilaha illallah ». Il est indispensable de réunir entre la négation et l'affirmation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a amené deux versets du Coran nous démontrant et clarifiant le sens de cette parole. Il a dit, rahimahullah, « Wa tafsiruha » الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Il a donc dit, et l'explication de cette attestation est qu'il la clarifie, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez. »« Je désavoue totalement ce que vous adorez. » On retrouve ici le sens de « La ilah ». Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. « Je désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. » Et celui qui l'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve donc ici le sens de « Illallah ». Car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire peut-être reviendront-ils du polythéisme vers le tawhid en prononçant cette parole et en acceptant le sens de cette parole et tout ce qu'elle implique. Donc ce verset, il nous prouve bel et bien le sens de la ilaha illallah, qui est « Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah » et que celui qui adore avec Allah, autre qu'Allah, alors c'est un polythéiste. Comment ce verset nous prouve cela? À travers la parole d'Ibrahim, alayhi salam, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Cela veut dire qu'ils adoraient aussi Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient aussi Allah, mais ils adoraient autre que lui, et c'est pour ça qu'ils étaient polythéistes. Le deuxième verset est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Dit aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole commune à laquelle on les appelle? Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes muslimoun. Soyez témoins que nous nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, la parole la ilaha illallah, elle a deux piliers. La négation et l'affirmation. Ceci sont les deux piliers de la ilaha illallah. Quant à ces conditions, elles sont au nombre de sept. Car cette parole, elle ne peut être profitable pour une personne qui ne remplit pas ces conditions. La première condition est la science, qui s'oppose à l'ignorance. En effet, celui qui dit la ilaha illallah avec sa langue, mais qui ignore le sens de cette parole, alors cette parole, elle ne lui est pas profitable. Comment elle pourrait lui être profitable alors qu'il ne sait même pas ce qu'il dit? Il ne comprend même pas le sens de cette parole et ce qu'elle implique. Ceci est donc la première condition, la science, l'ilm, qui s'oppose à l'ignorance. La deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin, la certitude, qui s'oppose au doute. Car il y a des gens, ils connaissent le sens de la ilaha illallah, mais ils n'ont pas la certitude. Il reste dans leur cœur un doute à ce sujet. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces doutes. Donc celui qui n'a pas la certitude quant au sens de la ilaha illallah, et quant à la véracité de cette parole, alors cette parole, elle ne lui est point profitable. La troisième condition, c'est l'ikhlas, le culte sincère, ou la sincérité, qui s'oppose au shirk, qui s'oppose au polythéisme. En effet, il y a des gens, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne délaissent pas le shirk. Ils se rendent auprès des tombes, ils invoquent les morts, ils implorent le secours des morts, ils sacrifient pour se rapprocher des morts, ou d'autres adorations. Ils disent la ilaha illallah. Cette parole, elle ne leur profite point, car ils n'ont pas rempli cette condition qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième condition, c'est as-sidq, la véracité, qui s'oppose au mensonge. En effet, celui qui dit la ilaha illallah, il se doit d'être véridique et ne pas faire comme les hypocrites qui ont dit la ilaha illallah avec leur langue, mais qui ont mécru dans leur cœur. Ils étaient donc des menteurs lorsqu'ils prononçaient cette parole, et ils n'étaient pas véridiques. Ils ont donc dit avec leur langue ce qui ne se trouvait pas dans leur cœur. La cinquième condition, c'est al-mahabba, l'amour, qui s'oppose à la répulsion. C'est-à-dire que tu aimes cette parole, et que tu t'allies avec les adeptes de cette parole, c'est-à-dire aux musulmans. Quant à celui qui n'aime pas cette parole, et qui n'aime pas les adeptes de cette parole, alors il n'y a pas de doute qu'elle ne lui profite pas. La sixième condition, et al-inqiyad, la soumission, qui s'oppose au délaissement. C'est-à-dire que tu te soumettes à tout ce qu'impose cette parole en termes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Tu te soumets donc aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu as attesté qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il t'incombe de te soumettre à ses jugements et à sa religion. Quant à celui qui dit la ilaha illallah, mais qu'il ne se soumet à aucun jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se soumet pas à sa législation. Il ne se soumet pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette parole, elle ne lui profite pas. La septième condition est al-qaboul, l'acceptation, qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu ne rejettes rien parmi les choses impliquées par cette parole, par la ilaha illallah. Tout ce qu'implique cette parole et tout ce qui est prouvé par cette parole, tu l'acceptes de manière correcte et authentique. Ceci sont donc les sept conditions de la ilaha illallah. Et certains ont rajouté une huitième condition, dans un but de clarification, qui est al-kufr bit-tagut, la mécréance au tagut, qui revient au fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Ainsi, l'homme, il ne peut pas être muwahhid, il ne peut pas être monothéiste, si ce n'est en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes. Ceci sont donc les 8 conditions de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, « Wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah, qawluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. » Et la preuve concernant l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est toujours le premier pilier de l'islam. Car le premier pilier de l'islam, il est composé de 2 choses. L'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La première attestation, elle désigne le culte exclusif et sincère que tu dois vouer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie, la deuxième attestation, elle désigne le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont les 2 conditions d'acceptation des œuvres. La sincérité à Allah, subhanahu wa ta'ala, et la conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve donc concernant l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Laqad ja'akum, certes, est venu à vous. » C'est-à-dire, « Oh, vous les gens !» Et ce discours s'adresse à l'ensemble des gens, parmi les djinns et les hommes. Car le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est général pour l'ensemble des djinns et des hommes. « Certes, est venu à vous un messager pris parmi vous. » C'est-à-dire que c'est un homme comme vous. Ce n'est pas un ange parmi les anges, mais c'est un homme, c'est un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie aux hommes que des messagers pris parmi eux afin de leur clarifier la législation. « Azizun alayhi ma anittum » auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire que toutes les difficultés que subissent les musulmans, elles sont difficiles également pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas la difficulté pour sa communauté. Mais au contraire, il voulait pour elle la facilité. Il voulait la facilité pour sa communauté. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais eu le choix entre 2 choses, sallallahu alayhi wa sallam, sans choisir la plus simple, tant qu'elle ne comportait pas de péché. Et dans de nombreux hadiths, il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accomplissait certaines œuvres, puis qu'il les délaissait par peur d'imposer une difficulté à sa communauté. Harisun alaykum, plein de sollicitude envers vous. C'est-à-dire qu'il désire votre guider. Et il désire vous sortir de l'obscurité vers la lumière. Vous sortir de l'obscurité de la mécréance et du polythéisme vers la lumière de la foi et du tawhid et de l'unicité. Bil mu'minina raufur rahim, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et ainsi était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il n'était pas dur, mais il était plein de compassion et plein de miséricorde. Et c'est ainsi donc qu'était notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman, il se doit de prendre exemple sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en se parant de ses qualités. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, « Wa ma'na shahadati anna muhammadan rasulullah, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa jatinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima shara'. » Et le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah consiste à obéir à ses ordres, à croire en la véracité de ce dont il nous a informé, à s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, et à n'adorer Allah que de la manière qu'il a légiféré. Ceci est donc le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », j'atteste que Muhammad et le messager d'Allah. Tu ne dois pas penser que ce sont que des mots que tu prononces avec ta langue. Mais ces paroles, elles ont un sens. Tu dois donc les prononcer avec ta langue et y croire dans ton cœur. Tu prononces cette parole avec ta langue et dans ton cœur, tu as la ferme conviction qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'il soit le messager d'Allah, qu'est-ce que cela implique? L'auteur, il a résumé cela en 4 points. Le premier, c'est que tu lui obéisses dans tout ce qu'il a ordonné. Tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné, tu dois lui obéir en cela, en accomplissant ses ordres. Et on a déjà traité ce point dans l'introduction du livre, lorsqu'on a parlé de l'obligation d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et on a mentionné les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet. Il est donc obligatoire pour le musulman qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui obéir et de se soumettre à ses ordres. La deuxième chose, c'est que tu crois en tout ce dont il nous a informé. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de nombreuses choses, parmi les choses de l'imperceptible. Il nous a informé au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet des anges, au sujet des djinns, et au sujet d'autres choses parmi les choses de l'imperceptible. Il nous a informé des choses qui vont se produire dans l'avenir, comme tout ce qui est lié à la venue de l'heure, au jour de la résurrection, au paradis et à l'enfer, etc. Donc, tu te dois de croire en la véracité de tout ce dont a informé le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car tout ce qu'il dit est vrai. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Najm, dans les versets 3 et 4, selon la traduction des sens rapprochés, « Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est seulement une révélation qui lui est faite. » Donc, tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, tu te dois d'y croire avec certitude. Le troisième point, c'est le fait de t'écarter de tout ce qu'il a interdit et réprimé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit certaines choses. Il a interdit des paroles, il a interdit des actes, et il a interdit certains comportements ou autres. Il n'a pas interdit d'une chose sans qu'elle ne comporte un mal ou une nuisance pour nous. Et il n'a pas ordonné une chose sans qu'elle ne comporte un bien pour nous. Donc, celui qui ne s'écarte pas de ce qu'a interdit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas concrétisé son attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième chose, qui est aussi très importante, c'est de n'adorer Allah que de la manière dont l'a légiféré le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que dans tes adorations, que tu voues Allah subhanahu wa ta'ala, tu te restreins à ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'accomplis pas une adoration qui n'a pas été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si ton intention est bonne, même si tu recherches à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, si cette œuvre n'a pas été légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une œuvre vaine. Et la bonne intention n'est pas suffisante dans ce domaine. Mais il est indispensable de se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car les adorations, elles sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elles sont limitées au texte. Et il n'est pas permis pour l'homme d'accomplir une adoration sur laquelle il n'a aucune preuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, dans le hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors cette œuvre sera rejetée. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, rapporté par Ibn Majah, l'imam Ahmed et d'autres, d'après Al-Irbad, Ibn Sariya, radiyallahu ta'ala anhu, et ce hadith a été jugé comme authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses, car certes, toute nouvelle chose est une innovation et toute innovation est un égarement. Donc le musulman, il ne doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qui a été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui n'a pas été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme une innovation. Et c'est une chose blâmable et interdite. Même si elle a été faite par un tel ou un tel, même si elle a été jugée comme bonne par un tel ou un tel, tant qu'elle n'a pas été légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une innovation et un égarement, même si la personne qui l'a fait a une bonne intention et qu'elle recherche par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce qui est pris en compte à ce sujet est la conformité à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous pouvions légiférer des adorations de notre propre chef, de notre tête, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous aurait pas envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on le suive et pour qu'il nous indique le chemin à suivre pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux concrétiser cette attestation, tu te dois de mettre en pratique les quatre points que l'on a mentionnés et qui ont été évoqués par l'auteur rahimahullah ta'ala. Ensuite, il a dit rahimahullah: "Wa dalil as-salat wa az-zakat wa tafsir at-tawhid qawluhu ta'ala: wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika din al-qayyimah." Et la preuve concernant la prière, la zakat et l'explication du tawhid, c'est sa parole selon la traduction des sens rapprochés. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. Donc, les deuxième et troisième piliers de l'islam, ce sont la prière et la zakat. Et la prière est le pilier le plus important après les deux attestations de foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette prière la différence entre les polythéistes et les musulmans. Il a dit: la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque la délaisse a certes mécru. Donc le musulman, il se doit de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement de la prière et par l'acquittement de la zakat. Ensuite, il a dit rahimahullah: wa dalil as-siyam qawluhu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et la preuve concernant le jeûne est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés: ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. ودليل الحج قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et la preuve au sujet du pèlerinage est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés: et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Ceci sont donc les preuves tirées du Coran concernant les cinq piliers de l'islam: les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Et comme on l'a dit, on a détaillé surtout les deux attestations, car c'est le pilier le plus important sur lequel est fondé le reste de la religion. Quant aux quatre autres piliers, qui sont la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, alors les détails à leur sujet sont étudiés dans les livres de jurisprudence. On a donc terminé en ce qui concerne l'islam et ses piliers, et on verra dans le cours de la semaine prochaine, inshallah ta'ala, la foi, sa définition et ses piliers. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran.